Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quelle effrontée a osé déclarer un jour la vieillesse est un naufrage. Quel manque de respect pour les anciens, le troisième âge, les seniors, pour ceux qui pendant longtemps furent simplement appelés les vieux. Cet effronté est le général de Gaulle. Il l'a écrit dans ses mémoires de guerre, mais à destination d'un vieux très particulier, le maréchal Pétain. De Gaulle écrit « La vieillesse est un naufrage. Pour que rien ne nous fût épargné, la vieillesse du maréchal Pétain allait s'identifier avec le naufrage de la France. » En 1940, le général de Gaulle a 50 ans, un gamin, face au maréchal Pétain, 84 ans. La vieillesse est un naufrage. Mais de Gaulle s'est inspiré d'un autre effronté, Chateaubriand, oui, l'écrivain qui, au 19e siècle, avait précisé cette affirmation « La vieillesse est un naufrage, les vieux sont des épaves. » Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Chateaubriand. J'aime bien les vieux. J'ai cette perversion dans les mariages, les fêtes de famille, de toujours m'asseoir à côté d'un vieux pour l'interroger, pour l'écouter raconter. Mais je suis prêt à donner raison à Chateaubriand. Les vieux sont des épaves. Si l'on considère que la découverte d'une épave provoque toujours l'excitation, car elle contient de fabuleux trésors. Cette semaine, le cours de l'histoire ouvre toute une série consacrée à nos anciens avec cette terrible question, mais que faire de nos vieux? Nous allons parcourir l'Antiquité et les différentes représentations de cet âge merveilleux, des émissions qui peuvent être réécoutées en ligne sur le site du cours de l'histoire, franceculture.fr ou par podcast. Et aujourd'hui, du sage à l'avare, nous allons voir les différentes représentations de la vieillesse avec vous, Dominique Dirlewanger. Vous êtes historien, vous êtes chercheur associé à l'Institut des Humanités en médecine du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. Vous venez de Suisse. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Et vous? Vous faites paraître les couleurs de la vieillesse, histoire culturelle des représentations de la vieillesse en Suisse et en France de 1940 à 1990. Ce sont aux presses universitaires suisses. Et avec nous aujourd'hui pour discuter de cet âge qui fait rêver, espérons qu'on puisse l'atteindre un jour, Sophie Richel, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire de l'Université du Luxembourg et vous publiez Hospice, une histoire sensible de la vieillesse aux presses universitaires de Rennes. Vous vous intéressez, vous, avec vous on va parler des vieilles dames. J'aime beaucoup les vieilles dames. Roger Color et tout ce qu'il faut, les cheveux violets. À la fin de l'émission, nous recevrons Anaïs Kien qui programme également cette émission. Anaïs Kien qui viendra avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons faire du judo, du karaté, du taekwondo avec une retraitée dynamique. Elle s'appelle Jeanne Liberman. Jeanne Liberman, je salue tout d'abord votre âge. 84 ans, et oui. 84 ans, et tout me force à considérer que vous n'êtes pas une vieille dame. Je dirais même que vous êtes une jeune femme. Mais il est vrai que vous avez commencé le judo à 58 ans et que vous avez été ceinture noire à 63 ans. Ah, c'est exact. C'est exact, monsieur Chancel. Et ensuite, je suis passé quelques temps, et tout d'un coup, j'ai eu l'idée d'apprendre l'aïkido. Ceinture noire d'aïkido aussi. Oui, ceinture noire d'aïkido. Mais ça ne suffisait pas, sans doute. Non, ça ne m'a pas suffi. Et puis, ma foi, ça fait 8 ans, 10 ans maintenant, à peu près, que je travaille le kung-fu. Et pour fêter mes 80 ans, mon professeur m'a donné la ceinture noire, dans ce que je pouvais faire, évidemment, n'est-ce pas? C'était il y a 4 ans. Et puis voilà, c'était il y a 4 ans, c'était en 70. Vous partez du principe que si vous pouvez le faire, d'autres peuvent le faire. Absolument! Et pourquoi pas? Il s'agit de vouloir. Je n'ai jamais fait de sport auparavant. Enfin, pour vous, tout a commencé à 58 tout ans. Tout a commencé à 58 ans, absolument. Mamie Kung Fu, interrogée par Jacques Chancel dans Radioscopie, c'était en 1975. Dominique Dirlewanger, vous avez étudié cet âge magnifique depuis les années 1940 aux années 1990 et vous avez étudié l'évolution des représentations. Avec vous, je voudrais commencer avec cette figure qui fascine tant, c'est celle du centenaire de la vieillesse dynamique. C'est vrai que c'est quelque chose de récurrent dans les représentations, le centenaire. Oui, le centenaire, on l'aborde déjà à la fin du 19e siècle. Il y a déjà des petits almanachs qui présentent ces figures un peu exceptionnelles. Ce qui est amusant, c'est que on a toujours utilisé cette figure pour en tirer un certain nombre de secrets de longévité, de recettes. On cherche en fait un exemple à suivre pour une vieillesse réussie, pour tirer cette vie, pour gagner de la vie sur la mort. Et dans ce contexte-là, effectivement, la figure du centenaire va émerger. Alors, en Suisse, un peu plus tôt qu'en France, puisqu'on a la chance d'avoir été épargné militairement par les deux guerres mondiales, ce qui fait qu'on a une croissance démographique des centenaires qui est saisissable par les démographes dès le milieu de la Deuxième Guerre mondiale, dès le milieu des années 40. Et puis après, ça va s'actualiser. Là, on vient d'entendre une très savoureuse archive de Jeanne Lieberman dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel, où on voit bien comment, justement, on cherche chez cette dame de 84 ans, qui a malheureusement décédé en 87, donc elle n'est pas tout à fait centenaire, la manière de voilà, comment le sport peut être vecteur de longévité, d'une bonne vieillesse. Dans Les couleurs de la vieillesse, histoire culturelle des représentations de la vieillesse en Suisse et en France, 1940-1990, Dominique Dierlingmacher, vous étudiez comment les représentations évoluaient. Dans ces représentations, il y a donc celle du centenaire ou du vieillard ou du retraité, on va dire tout simplement, dynamique, qui donne envie, parce que cela nous parle toujours à nous-mêmes, c'est nous qui parlons des plus vieux, en disant comment sont-ils, parce qu'ils représentent ce que nous serons bientôt. Alors, dans votre question, vous mêlez effectivement la question de la vieillesse retraite et puis la question de la vieillesse du centenaire ou de la vieillesse du patriarche, ce qui est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire alors, la vieillesse centenaire, c'est quoi ? Alors, la vieillesse centenaire, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'entre-deux-guerres, on découvre qu'on peut vieillir en bonne santé. Et ça, c'est une rupture majeure. On a toujours eu des ancêtres, des vieillards, des sages, comme on les a appelés à partir du XVIIIe siècle. Mais à partir des progrès de l'hygiène, de l'alimentation, au lendemain des deux guerres mondiales, on va avoir tout d'un coup un avenir commun. On va avoir cette vieillesse qui est un âge promis à tous et à toutes. Et qui, en plus, avec le système de sécurité sociale, les retraites, devrait être normalement assurée. Donc cette rupture en termes de représentation fait que tout d'un coup on envisage la vieillesse comme un nouvel âge de la vie. Et ce nouvel âge, il se colore de plein de nuances, c'est d'où le titre de l'ouvrage, Les couleurs de la vieillesse, parce qu'à la fois on a des représentations très positives de cet âge, nombre de salariés remettent à la retraite un certain nombre de projets personnels. Et puis dans le même temps, c'est un âge qui fait peur, parce que c'est l'âge du déclin physique, c'est l'âge de la sénilité, c'est l'âge des handicaps et de la dépendance. Et en fait, cette oscillation entre ces deux couleurs positives, hein, une vieillesse verte, pour reprendre le titre d'Alexandre Lacassagne, ou une vieillesse grise, une vieillesse sombre, pour parler ou teinter comme le font les démographes avec ce concept fourre-tout de vieillissement démographique, ben c'est ça que j'analyse sur un demi-siècle à partir du moment de la rupture fondamentale. L'introduction des retraites. Oui, parce que là, on a cette double rupture, on l'entend bien. Il y a la rupture de dire on peut vieillir en bonne santé, et ça c'est très important. Puis la seconde, c'est on peut vieillir avec un secours de la société qui nous porte. Cela conduit d'ailleurs très vite à une réflexion de la société qui transparaît sans cesse dans les médias. Cette réflexion, c'est le vieillissement de la population. Un Français actuellement vit deux fois plus qu'il y a un siècle. En moyenne, la vie humaine est de plus de 65 ans en France, alors qu'elle était de 30 ans il y a un siècle. Et d'ailleurs un peu plus marquée pour les femmes, qui vivent 2 ou 3 ans de plus que les hommes. Et actuellement, la France possède la population la plus vieille du monde. C'est-à-dire que nous avons pratiquement 2 ou même 3 fois plus de personnes de plus de 60 ans que les autres pays. Et par conséquent, également 2 fois moins de jeunes, de moins de 20 ans. Il en résulte naturellement une surcharge pour les éléments producteurs qui doivent supporter cette charge à la fois des personnes âgées et également des jeunes. Par conséquent, la difficulté va encore augmenter. Elle va augmenter. On estime que dans les 20 années à venir, il y a une augmentation à prévoir de 20% du nombre des vieillards. Ouh là là, ça s'annonce mal. Nous étions le 8 avril à 1952 dans l'émission Paris vous parle sur la RTF. Ce vieillissement de la population est vraiment quelque chose qui préoccupe après la Seconde Guerre mondiale. Ce que vous avez étudié, vous, Dominique Dierlewenger, c'est ça aussi, c'est les représentations à travers les médias. On en parle sans cesse du vieillissement. Et c'est extraordinaire parce que ce diagnostic extrêmement pessimiste a lieu en plein baby-boom. On est justement dans les années d'après-guerre où on va avoir une montée du nombre de naissances qui se traduira une quinzaine d'années plus tard par les mouvements de mai-juin 68 et tout la reconnaissance de la jeunesse comme nouvel acteur social, comme nouveau agent des transformations de la société. Donc on voit que nos représentations, elles peuvent des fois complètement diverger par rapport à la réalité tangible, matérielle de nos sociétés. Ce qui est intéressant dans l'archive ici aussi, c'est que cette idée de vieillissement démographique, elle s'impose avec de l'évidence. Or, la notion, elle a été d'ailleurs longuement étudiée par Patrice Bourdelais il y a de nombreuses années maintenant, elle implique quand même deux ordres de réalité complètement divergentes. Le vieillissement, c'est un phénomène individuel. Et de le plaquer sur des réalités collectives, de dire que la société vieillit, c'est faire un saut de deux ordres, de l'individuel au collectif, ce qui n'a absolument rien d'évident. Mais par cette augmentation de la population âgée, il y a quelque chose de l'ordre du sensible. Les gens se représentent qu'effectivement une société qui vieillirait, ça serait une société sclérosée, une société angoissée, anxieuse, conservatrice par essence. Alors qu'on oublie dans cette notion-là qu'en fait, avoir 65 ans dans les années 50 ou avoir 65 ans en 2019, ça n'a absolument plus rien à voir. C'est-à-dire que les années de vie en bonne santé au-delà de 65 ans, c'est un progrès considérable de nos sociétés. C'était ça aussi l'ambition de mon livre, Les couleurs de la vieillesse, de restituer en fait quelque chose qu'on nous présente systématiquement comme une grande catastrophe pour les financements de nos systèmes de santé, pour le financement de nos retraites. Et dans le même temps, c'est un formidable gain de civilisation. C'est vraiment une étape qu'aucune autre société humaine n'a connue jusqu'à présent, de pouvoir quasiment doubler l'espérance de vie sur le dernier siècle. C'est quelque chose de formidable. Dominique Dierlewenger, vous répondez à une question que je voulais vraiment vous poser. C'est vrai qu'à quel âge est-on vieux après la Seconde Guerre mondiale? On est vieux très tôt, en fait. Et puis, aujourd'hui, on est vieux plus tard, mais on le constate tous dans nos vies. Avoir aujourd'hui 70 ans, c'est pas grand-chose. Et même beaucoup plus. Avoir 80 ans, certaines personnes vraiment vivent très très bien. Vous l'avez constaté, cette évolution très rapide, vous étudiez la vieillesse, pour utiliser ce terme générique, de 1940 à 1990. Et dans les représentations, c'est quelque chose qui est sans cesse pris en compte. Les vieux sont vieux de plus en plus tard. Oui, en même temps, ça dépend de nouveau dans quel milieu et dans quel groupe social vous vous situez. Enfin, moi, je travaille accessoirement comme maître d'histoire au lycée Provence à Lausanne. Je vous garantis que mes étudiants, qui sont nés bien après le 11 septembre 2001, ils me voient déjà comme quelqu'un de vieux. Quand bien même quand je vais présenter mon livre dans des salons ou que je donne des conférences, en règle générale, le public âgé me voit comme un jeune. Vous avez quel âge? Donc, 47 ans. Oh là là, donc, c'est vous voyez, on peut s'intéresser à l'âge quand on le voit comme un miroir déformant. Ce qui est intéressant, c'est que cette question de quand est-ce qu'on devient vieux, elle renvoie à différents types de discours. C'est vrai qu'on a maintenant un âge légal qui est celui de l'arrivée à la retraite, qui a oscillé quand même sensiblement ces 40 dernières années, avec les retraites anticipées, avec une façon aussi de gérer une partie du chômage des seniors en envoyant les gens à la retraite et aux pré-retraites. Maintenant, la question de l'élévation de l'âge de la retraite qui se pose de nouveau de manière purement comptable. A contrario, on a aussi maintenant besoin de ces personnes âgées pour la garde de la petite enfance, par exemple. Ça représente des milliards d'euros de prestations fournies par le troisième âge en garde d'enfants, par exemple, qui sont relativement peu mobilisés quand on discute sur la question de l'âge de la retraite ou l'âge de la vieillesse. C'est vrai que la question de l'âge de la vieillesse, de toute façon, dépend toujours de la représentation qu'en ont les générations les plus jeunes. Ce sont les jeunes qui regardent les vieux, et quand il y a trop de vieux, parce que on vous a entendu, c'est vrai que au 19e siècle, où il n'y avait pas beaucoup de personnes âgées, tout de suite il y avait la figure du sage. C'est quand il commence à en avoir plus que la représentation se transforme, et c'est là où on va dire vieillissement de la population. Attention, c'est ce qui se passe dans les années 40, 50. Oui, et on va aussi prendre en considération le fait que la vieillesse, pendant de nombreuses décennies, c'était aussi un facteur de pauvreté. Enfin, on va parler tout à l'heure de la question des hospices au 19e siècle. Pendant très longtemps, c'est un facteur d'entrée dans la pauvreté. Et donc, la préoccupation légale, elle a trait justement à cette population affaiblie et dont on doit prendre en charge, y compris jusqu'au logement et à la pension. Là aussi, il y a la même façon que le discours sur notre judokate experte, c'est un certain nombre d'injonctions sociales qui vont être mobilisées, c'est-à-dire la vieillesse pauvre, ça permet d'avoir un discours en faveur de l'épargne individuelle, d'avoir un discours de prévoyance, il faut préparer sa retraite, il faut être attentif à ne pas tomber dans l'indigence, et puis la peur de l'hospice, hein, dans les années 70, la deuxième moitié des années 70, ça devient vraiment un thème majeur d'ailleurs de la campagne de François Mitterrand en 81, la fermeture des hospices, le développement de structures adaptées, la thématique des EHPAD qui nous occupe depuis plusieurs années maintenant en France comme en Suisse, eh bien on a cette logique-là de prise en charge des personnes âgées qui, là encore, se teinte d'ambivalence, de couleur ambivalente entre une vision optimiste, des structures d'accueil qui seraient des lieux de vie dans lesquels on pourrait s'épanouir, faire des rencontres, tomber amoureux après 80 ans, pouvoir prendre une chambre avec sa compagne, trouver dans l'EHPAD. C'est des réflexions qui ont cours depuis le milieu des années 70, début des années 80. Et puis, c'est le lieu aussi de la relégation. C'est le dernier lieu de vie, c'est le lieu où on va mourir, puisqu'on meurt de plus en plus à l'hôpital. Et toutes ces questions-là, bien évidemment, teintent nos représentations de manière positive et négative. Et justement, en évoquant ces années 70, années 80, il y a le contexte qui doit entrer en compte, et cette crise économique fait que tout de suite, on commence à regarder la vieillesse d'une autre manière. C'est-à-dire que là, on est loin de la sagesse, on est plutôt sur la question du coût. Question du coût, mais qui de nouveau est fortement influencée par nos représentations, parce que si on regarde les investissements consentis par rapport à la jeunesse, qui sont considérables dans les années 70-80, un jeune coûte beaucoup plus cher qu'un vieux en termes de formation, en termes d'accueil, en termes de la durée des études s'allonge également. Là, on voit ça comme un investissement pour l'avenir, alors que de mettre de l'argent dans les structures d'accueil, dans les soins ou les aides à domicile, on a l'impression que c'est en gros financé pour la fin de vie, pour la mort. Donc il y a aussi là un biais tout à fait saisissant entre qu'est-ce qui est de l'ordre de l'investissement positif et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'investissement à perte. Et c'est très compliqué en fait de requalifier positivement cette vieillesse. On voit que d'une part le jeunisme, qui est une forme de discours qui se structure dans la deuxième moitié des années 70, est très fort. Il emprunte d'ailleurs une bonne partie de ses catégories, de sa rhétorique aux mobilisations de guerre. Hein. La jeunesse mobilisée sous les drapeaux, donc une société virile, une société prête à l'abnégation, à s'engager de manière aveugle en faveur de l'État et de la patrie. Et bien de l'autre côté de l'échelle des âges, effectivement, on se demande à quoi ils servent tous ces vieux et on n'a pas à ce moment-là, dans la logique économique et commerciale, on n'a pas du tout de perception de cette richesse. Si ce n'est, avec un petit décalage, l'émergence d'un marché des seniors. Oui, le marché des seniors. Avec la question des retraites, où là, effectivement, on peut remplir les stations balnéaires hors saison, on peut privilégier les séances de l'après-midi dans les cinémas parisiens, par exemple. Enfin, toute cette économie-là qui commence à être identifiée, là encore, dans ce grand changement de la fin des années 60, début des années 70. Oui, quand on parle de retraite ou quand on parle du commerce possible avec les seniors, c'est vrai qu'on est toujours sur des questions d'argent, alors que là, on parle d'hommes, de femmes. C'est toujours des notions compliquées, parce que Dominique Dirlewanger, vous expliquez bien qu'il y a une évolution des représentations. Ces représentations, elles sont partout dans la société, elles se diffusent, notamment la représentation de la vieillesse comme un coût, comme un manque d'avenir possible, un investissement inutile. Est-ce que ces représentations qui peuvent s'imposer dans la société ont des conséquences politiques? Est-ce que nos politiques s'adaptent à ces représentations ou bien est-ce qu'ils en profiteraient pas un petit peu pour faire ce qu'ils veulent faire? Alors, c'est une question très compliquée que vous me posez là, parce que de pouvoir mesurer la manière dont les représentations ont une efficacité politique ou sociale, c'est vrai que c'est assez délicat. Ce qui est intéressant, d'un point de vue politique, c'est l'instauration des retraites au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale se fait quand même après la pire crise économique qu'on ait connue au XXe siècle, la crise des années 30. Et puis, après 6 années de guerre qui ont vu l'Europe être détruite, c'est à ce moment-là qu'on décide d'instaurer un système de retraite. Donc, dans la peur de l'avenir ou la peur de l'investissement sur ce secteur-là, paradoxalement, elle aurait dû être plus grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des ressources à disposition des États qui sont quand même sensiblement importants. Maintenant, on a effectivement une conception de l'investissement dans cette catégorie-là de la population qui est teintée de représentations plutôt misérabilistes, qui ne sont pas celles de l'assistance publique du 19e siècle, qui se construisent quand même notamment maintenant dans un salariat généralisé, un système de prévoyance dont on a vu la montée en puissance dans les années 60-70. Qui nous interroge. C'est vrai que la question de l'élévation de l'espérance de vie associée à l'augmentation de l'âge de la retraite paraît comme une évidence, et donc les politiques s'en servent parce que c'est un argument facilement compréhensible. Dans le même temps, c'est relativement délicat parce qu'on a quand même dans cette population de personnes âgées les plus précaires et les plus pauvres de la société. Hein. Ça reste aujourd'hui encore un facteur de paupérisation important, la vieillesse. Oui, et c'est sur cela qu'il faut s'intéresser le plus, parce que quand on étudie ce groupe gigantesque des personnes âgées, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre tout le monde comme ça. Il y a tous les cas de figure possibles, et à l'intérieur même de ce groupe-là, il y en a certains qui ont un jugement un peu sévère. Nous allons prendre un appel téléphonique qui nous vient de 1972. Jean-Pierre, je vous propose de passer au second appel. Le second appel qui nous vient de Madame Tambourovitch, qui habite Paris dans le 19e arrondissement. Madame Tambourovitch, oui, vous nous entendez? Oui, vous écoute, alors madame. Moi, ma question est la suivante. Je suis en retraite depuis un an. Et j'ai déjà été voir plusieurs clubs. Et je dois vous dire que je ne m'y suis pas très bien amusée. Parce que au club Pompidou, il y a surtout beaucoup de personnes excessivement âgées. C'est-à-dire 75, 80 ans et qui ne sont pas particulièrement en bonne santé. Moi, je viens d'avoir tout juste 65 ans. J'étais secrétaire sténodactylo dans un quartier très agréable. Et les clubs Pompidou du 19e sont dans un quartier plutôt triste. Et vraiment, je ne trouve qu'on ne s'y amuse pas du tout. J'ai rencontré dernièrement des personnes qui y sont allées et qui ont fait comme moi d'ailleurs, qui n'ont pas pu continuer. Parce que lorsqu'elles revenaient, elles étaient plus cafardeuses que quand elles y arrivaient. Ah. Je m'excuse de vous dire cela, mais je suis très franche. Alors, je voudrais trouver un club où il y aurait des personnes de tous âges. Dominique Dierlewenger, bon, nous étions en 1972 avec ce témoignage. Vous aviez une adresse de club peut-être à proposer à cette dame qui déprimait de voir ces clubs de personnes âgées. Il y a ça aussi qu'il faut évoquer, c'est ce dynamisme de la jeunesse et ce contraste saisissant entre une représentation globale de la société sur la jeunesse comme la vieillesse, comme âge déclinant, et la réalité de la chose qui fait que encore tard, on peut être actif. En gros, il y a plusieurs représentations. Il y a celle de la société peut-être en général, celle du monde politique, celle des médecins aussi. Et parmi toutes ces représentations, il est difficile de trouver une voie. Tout est possible, mais il y a des traits majeurs qui se distinguent. Et aujourd'hui, le trait majeur, c'est le coût. C'est vraiment ça qui revient. Oui, et en même temps, dans cette archive savoureuse que vous venez de nous faire écouter, Xavier Mauduit, La dame d'ailleurs, c'est un peu intéressant, hein. Les deux figures de personnes âgées qu'on a mobilisées dans les archives là maintenant, ce sont deux femmes. C'est aussi une réalité majoritairement féminine, hein, la vieillesse, tout au long du 20e siècle et encore aujourd'hui, c'est une réalité majoritairement féminine. Et dans d'autres extraits sur ces clubs de personnes âgées qui se mettent en place dans la deuxième moitié des années 60, le différentiel de ratio entre hommes et femmes est une des sources majeures d'ennui, puisque les femmes, elles aimeraient aussi de temps en temps pouvoir rencontrer des hommes, et il n'y en a pas assez dans ces clubs. Elle a 55 ans, cette dame, dans cette archive de 72. 55 ans, aujourd'hui... 65 ans, on peut imaginer qu'une jeune femme de 65 ans, une jeune vieille dame de 65 ans aujourd'hui, elle viendrait... elle n'aurait pas l'idée d'aller dans ce type de club. Elle aurait d'autres ressources d'activité ou de loisirs qui lui est offert. Mais là, on a un moment intéressant, c'est que justement, il y a ce désœuvrement et on n'a rien à proposer. Et comme on a retiré ces personnes du monde de la production ou du monde des actifs, il faut arriver à éviter justement des nouveaux types de pathologies sociales qu'on observe, qui sont des dépressions au moment du passage à la retraite. Et donc là, il y a la première phase, si vous voulez, qui est dans la transition entre l'assistance et l'assurance sociale, où on cherche à occuper les personnes âgées. C'est dans la deuxième moitié des années 70 que la mise en activité va devenir le modèle dominant. Et cette mise en activité, elle rend tout d'un coup justice à la question que vous me posez des coûts. C'est-à-dire qu'une personne âgée active, dans les représentations, elle ne coûte pas. Ou disons, elle rend à la société une partie de l'activité. Enfin, par le biais de son activité, elle rend une partie de la pension qu'elle touche. Et puis, elle participe de plein pied à la société. Cette intégration des personnes âgées est probablement une question politique beaucoup plus importante jusqu'au début des années 80 qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et à partir des années 80, donc les attaques sur le système de sécurité sociale, la question de la faillite possible des États, du welfare state, de l'État social, de la sécurité sociale, va prendre le relais. Et c'est à partir de cette décennie des années 80 que la question des coûts va devenir en fait le dominant, va complètement occuper l'intégralité de nos représentations. Et loin de la réalité de ce qu'on peut voir en fait avec les vraies personnes âgées qui, elles, sont en vie et à qui on ne laisse pas souvent la parole dans ces questions-là, sont souvent les plus jeunes qui analysent les représentations dans les couleurs de la vieillesse, histoire culturelle des représentations de la vieillesse en Suisse et en France. Dominique Dierlewenger, vous montrez bien que ces personnes-là ne représentent pas un poids pour la société. Vous écrivez « Loin d'être une catastrophe, la vieillesse, entendue comme nouvel âge, représente un formidable progrès, probablement un des plus importants qu'a connu l'espèce humaine. » Et c'est fort, c'est vraiment l'idée de cette étude des représentations. Nous sommes dans une rupture de civilisation. Disons, je ne vais pas vous faire l'histoire de ce travail de recherche, mais c'est vrai que je viens du champ de l'histoire économique et sociale. J'ai fait mes études de master, enfin, à l'époque ça s'appelait la licence, en histoire économique et sociale. J'ai fait des premiers travaux de recherche sur la politique étrangère de la Suisse. C'est tardivement que je suis venu sur le sujet de l'histoire culturelle de la vieillesse, mais avec disons, les préoccupations de l'historien de l'économie quand même. Je n'ai pas complètement tourné ma veste, quoique. Il y a effectivement, dans cette réflexion, il y avait un enjeu pour l'historien-chercheur qui était de restituer la complexité de ces âges de la vie. Et c'est vrai que dans le débat sur les retraites, dans le débat sur les coûts du troisième et du quatrième âge, les systèmes de santé, j'avais un sentiment de désagréable, de l'impression qu'on ne voyait en fait le monde qu'en noir et blanc, qu'on ne voyait cette vieillesse qu'avec des niveaux de gris, qu'on nous annonçait la grande catastrophe en oubliant les personnes dont on était en train de parler et puis en oubliant surtout cette rupture de civilisation que consiste maintenant la société de longue vie. Et cette société de longue vie, il faut peut-être le rappeler aux politiques, à nos auditeurs, enfin à tous les lecteurs potentiels, c'est regarder la vieillesse en couleur, les couleurs de la vieillesse. Vraiment de saisir en fait cette formidable opportunité qui permet de réaliser des choses à partir de 65 ans, à partir de 60 ans, et qui n'était pas offert, disons, à la population il y a encore un demi-siècle. Fait du bien, un peu d'espoir, Dominique Dierlewenger. Merci, vous restez avec nous parce que vous avez constaté quand même dans votre étude que les médias parlent beaucoup des vieux sans vraiment leur donner la parole et ne parlent pas tant que ça des femmes. Alors nous avons la chance d'avoir avec nous Sophie Richel qui, elle, va réussir à faire parler les femmes, ces vieilles dames, mais celles du 19e siècle, juste après la grande Sophie. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, regarde-moi, j'ai 80 printemps, 10 automnes. Ça dépend des moments, ça dépend des heures. C'est la grande Sophie qui chante mille visages de la vieillesse dans le cours de l'histoire. Une émission réalisée aujourd'hui par Père Legras avec à la technique Souad Boukarsa. Bonjour Sophie Ridel, donc docteur en histoire. Vous avez publié Hospice, une histoire sensible de la vieillesse. Vous vous intéressez à la Belgique, c'est à Bruxelles, 1930-1914, aux presses universitaires de Rennes. Juste Sophie Richel, dites-moi... cette vieillesse en Belgique au XIXe siècle est comparable à ce qui se passe en France. Oui, parce que la Belgique a été occupée par la France et cette occupation française a réorganisé en profondeur l'assistance publique. Donc, avec des particularités propres à la Belgique, la trame générale est sensiblement quand même équivalente à ce qui peut se passer en France. On vieillit de la même manière en Europe de l'Ouest globalement. Et pour commencer cette exploration de ce que peut vivre une vieille dame au XIXe siècle, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un inventaire. Cet inventaire, c'est celui des effets pour entrer à l'hospice. Et il nous est lu par Nathalie Canoué. Une paillasse de toile grise, un matelas de laine recouvert de toile de Bruges, un oreiller et un traversin en plume ou laine couvert dans le premier cas de coutil et dans le second de toile de Bruges. Une couverture de laine, une courte pointe de molleton ou de coton, 4 paires de draps de lit et 4 têtes d'oreiller, 12 chemises en toile, 2 paires de souliers, 6 paires de bas, 3 en laine et 3 en coton ou fil, 6 jupons, 2 gilets de laine, 6 jaquettes de nuit, 6 mouchoirs de nuit en toile ou coton, 6 bonnets de nuit, 4 robes en différentes étoffes pour été et hiver, 6 mouchoirs de dessus en coton, mousseline ou laine, 6 bonnets pour le jour, un châle ou un manteau en drap ou mérinos, 6 serviettes et 2 petites nappes en toile ou coton blanc, 12 essuie-mains, un poêle à la houille, un réchaud en fonte, une armoire pour garde-manger, une commode pour linge et habillement, une table, 4 chaises, des brosses à récurer, un seau, des ustensiles de cuisine suffisants pour préparer ses aliments. Dites donc, Sophie Richel, il en fallait des choses pour rentrer à l'hospice au XIXe siècle pour une vieille dame, et notamment une vieille dame que vous avez particulièrement étudiée, qui s'appelle Adélaïde. Qui est Adélaïde ? Alors Adélaïde, elle rentre en juin 1853, à l'âge de 58 ans, à l'hospice Pacheco. Et l'hospice Pacheco, il est un peu particulier dans le réseau des institutions d'assistance, parce qu'il accueille des femmes qui doivent être seules, donc veuves ou célibataires, âgées de 50 ans et plus, valides, donc capables de tenir leur ménage, d'avoir une vie en fait indépendante, bruxelloises, avec le trousseau complet qu'on vient d'entendre, mais de nobles ou bonnes familles, tombées dans l'indigence, selon l'expression de l'époque, ou ayant connu un revers de fortune. Alors là, en l'occurrence, pour Adélaïde, qui a 58 ans, pas si vieux que ça, 58 ans. Alors au 19e siècle, on imagine tout de suite que l'on est vieux très tôt. À quel âge on est vieux au 19e siècle ? C'est variable, évidemment. Mais quelqu'un de 58 ans est considéré comme une personne âgée, une vieille personne ? Alors, donc dans les différentes institutions, l'âge de la rentrée possible, les conditions, c'est entre 50, 60 et 70. Ça varie selon les institutions. Sans doute que le fait qu'à Pacheco on reçoive des personnes tombées dans l'indigence, mais de nobles ou bonnes familles, joue justement sur cet âge assez bas d'entrée, parce que on se rend compte qu'à ce moment-là, c'est vraiment une solution qui peut être préférable à la vie en dehors de l'institution pour le 19e siècle, pour ces personnes-là, parce que c'est l'assurance en fait d'un toit, de combustible, et alors très particulier à cette institution-là, d'une rétribution financière. Donc Adélaïde, comme ses autres compagnes, elles sont plus ou moins entre 40 et 47 au fur et à mesure du siècle, elles reçoivent chaque jour une petite rétribution financière qui ne permet pas de subvenir à tous leurs besoins, mais qui vient vraiment aider et soutenir. Elles travaillent un petit peu, c'est ça ? Alors ça dépend, il y en a certaines, oui. Et puis certaines, on voit, parce qu'on peut prendre des congés de l'hospice, en fait, on peut partir. Et alors Adélaïde, par exemple, elle part chaque été un mois ou même deux en province. Et donc, selon les relations qu'elles maintiennent en dehors de l'hospice, on peut aussi imaginer qu'elles reçoivent potentiellement une aide financière de personnes proches, familières ou non. Sophie Richel, on oublie de le dire, mais souvent, et même au 19e siècle, pour à peu près l'immense majorité de la population, les deux soucis majeurs sont être chauffé et se nourrir. C'est surtout ça les vrais problèmes. Et donc là, pour les personnes âgées, c'est que avec l'hospice, ils trouvent une solution qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que le 19e apporte vraiment plus de choix de vie que de rester dans la famille ou que l'hôpital qui était vraiment la peur absolue des siècles passés. Oui, et on se rend compte que la... En tout cas, il y a beaucoup de listes d'attente pour rentrer dans les hospices. Et c'est vraiment une solution qui peut être vraiment choisie par des personnes. Et donc, ça vient un peu remettre en question cette image repoussoire de l'hospice qui est le lieu, le dernier lieu d'accueil d'une population la plus miséreuse possible. Ce personnage d'Adélaïde et des pensionnaires de l'hospice Pacheco, elle vient vraiment re-questionner et renuancer et recomplexifier très très fort qui est compris dans cette vieillesse pauvre, indigente, puisque à charge de l'assistance publique, mais en fait avec des attentions qui sont très très très... particulière à leur égard parce que justement issus d'une certaine classe sociale. Oui, il y a cette peur de l'hospice, du mouroir. Dominique Dirlewanger, dans Les couleurs de la vieillesse, donc vous étudiez les représentations de cet âge de la vie. Alors, au XXe siècle, 1940, 1990, vous retrouvez toujours cette peur qui reste, celle qui vient du 19e, de l'hospice, mouroir, cette angoisse qu'on a pu croiser les uns les autres dans notre environnement, dans notre famille. Je ne veux pas aller à l'hospice. Alors, une réponse peut-être assez courte pour montrer qu'il y a une persistance, une permanence de cette représentation négative de l'hospice qui ne correspond pas forcément à la réalité que ma collègue est en train de décrire pour la Belgique, c'est que les assureurs sur la vie, par exemple, mentionnent l'hospice comme un lieu repoussoir si on n'a pas été prévoyant. Et donc, ça incite à prendre des assurances retraite de prévoyance. Donc, on a c'est un des relais, si on veut bien, de l'importation de ces représentations négatives dans le champ commercial. L'autre aspect qui est très fort, c'est des émissions qui sont réalisées, là encore, suite à la publication par Simone de Beauvoir de son essai gigantesque sur la vieillesse en 1970, où on va montrer à Nanterre, les hospices de Lille, ces couloirs remplis de lits avec des personnes âgées dans leurs excréments. On n'a pas l'odeur à la télévision, mais enfin, le commentaire le insiste dessus. Et c'est une image extrêmement forte qu'on a tous à l'esprit du lieu dépotoir, du lieu où justement on met les rebuts. C'est pas la majorité de la population âgée, mais c'est un élément structurant, moralisateur très fort dans les discours. Sophie Richel. Oui, en fait, je pense plutôt, c'est pas une image misérabiliste de l'hospice qui vient du 19e. Moi, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu comprendre, que cette image, elle est créée plutôt justement dans les années 60-70, quand on redécouvre les hospices et qu'on se rend compte, avec les conditions de vie qui sont celles des années 60-70, qu'à ce moment-là, ça ne va pas. Par contre, au 19e siècle, justement, l'assurance et la solution des hospices vient justement contredire un peu cette image où c'est une vraie solution recherchée et voulue en fait par un certain nombre de gens. Oui, et sur l'évolution de la représentation qu'on peut avoir à la vieillesse, effectivement, il faut toujours penser au moment où elle se construit. Donc dans les années 1960-1970, on commence à relire tout le passé en disant c'était horrible alors que ce ne l'était pas tant que ça, notamment par rapport à la figure de la grand-mère chantée. Là, nous allons l'entendre par Jean-Louis Murat, mais qui était une chanson de Béranger dans les années 1820. On parlera de sa gloire sous le chaume bien longtemps. L'humble toit dans 50 ans ne connaîtra plus une autre histoire. Là viendront les villageois dire alors à quelques vieilles par des récits d'autrefois, mère, abréger notre veille. Bien dit-on qu'il nous est nuit, le peuple encore le révère. Oui, le révère, parlez-nous de lui, grand-mère. Parlez-nous de lui. Béranger, les souvenirs du peuple, parlez-nous de lui, grand-mère, on parle de Napoléon. Les vieux sont porteurs de la mémoire. On est au 19e siècle et l'image de la personne âgée est une image encore positive. Nous parlions d'Adélaïde. Alors Adélaïde, cette femme pas si âgée que ça, hein, 58 ans, qui entre à l'hospice, c'est aussi une porteuse de mémoire. La figure de la personne âgée n'est pas une figure négative au 19e siècle, pas uniquement négative. Il y a l'hospice, il y a les vieux dans la famille, ce qui est le cas la plupart du temps. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que déjà au 19e siècle, on oppose famille et hospice. Comme si, en disant, c'est mieux de rester en famille. Sauf qu'en fait, il y a des fois où c'est pas possible. Et en tout cas, il y a vraiment très fort une mise en opposition. Et comme si, une fois qu'on était dans l'hospice, il n'y avait plus aucun lien de famille, alors que c'est pas du tout ce qu'on observe une fois qu'on plonge dans des archives vraiment du quotidien du 19e siècle. Il y a des liens qui sont maintenus, il y a des visites. En fait, les pensionnaires, ils sortent énormément. Dès qu'ils ont fini le travail qu'ils devaient fournir pour l'hospice, ils partent et souvent, ils vont visiter leur famille. Donc, c'est encore très présent. Et avec une vraie attention portée à cette personne-là. Hein. Dans votre travail qui porte justement sur les hospices, une histoire sensible de la vieillesse, donc à Bruxelles dans les années 1830-1914, Sophie Richel, vous montrez bien que tout est réfléchi autour de la personne, c'est-à-dire que son corps, le corps fragile, est pris en compte avec un couchage plutôt douillet. Enfin, on n'est pas dans quelque chose d'ardu et de difficile pour ces gens-là. Là, en l'occurrence, quand vous étudiez Adélaïde et d'autres, hein, on est parfois dans un monde un peu privilégié. Mais il y a un vrai souci, c'est-à-dire que nous ne sommes pas hors de la société, nous sommes dans la société avec beaucoup d'intervenants, notamment les médecins ou les gens qui viennent visiter à l'hospice. Il y a du monde. Oui, en fait, pendant cette période-là, et sans doute dû au fait de la systématisation et de la construction d'hospices, qui sont du coup des institutions beaucoup plus grandes et importantes que ce qu'il y avait avant, il y a vraiment la construction d'un cadre propre à la vieillesse. Et ce qui est intéressant quand on s'intéresse vraiment plutôt à une histoire au ras du sol, aux individus et à leur expérience, c'est de voir comment eux peuvent aussi agir sur le quotidien, sur la matérialité de l'espace. Dans les hospices bruxellois, il semblerait qu'au début, il n'y ait pas de rampe. Et ça pose vraiment problème, en fait, parce que les personnes âgées chutent. Et donc, j'ai retrouvé des lettres de directeurs d'établissement qui demandent qu'on installe des lampes. De même, c'est l'éclairage au gaz qui va être installé très rapidement, contrairement, en fait, aux maisons particulières bourgeoises à Bruxelles, pour justement offrir un éclairage sécurisé et sécurisant pour des personnes âgées dont les corps sont fragiles et usés potentiellement par l'âge. Mais parfois, ça ne se passe pas bien. C'est ce que nous allons entendre dans une lettre qui nous est lue par Nathalie Canoui. Nathalie, c'est à vous. Je viens solliciter de votre haute bienveillance au nom de mes compagnes et du mien de vouloir bien mettre fin à une innovation qui se pratique au Pacheco depuis la nouvelle année. Un docteur, M. Dance, attaché à l'établissement, recevait tous les jours dans son cabinet les pensionnaires malades ou indisposés et se rendait ensuite à la chambre de celles qui, plus gravement atteintes, ne pouvaient ni se lever ni descendre. Depuis janvier, une modification s'est faite. M. Dance, ou son remplaçant, arrivait, escorté de plusieurs élèves qui, debout et écoutant, formaient clinique, l'accompagnaient également au lit des malades. Ces 4 à 5 messieurs suivis de la bonne de service faisaient émoi chez des femmes déjà faibles ou fiévreuses et empêchaient souvent la lucidité des réponses et même l'énoncé des souffrances, car si vieilles qu'elles soient, il reste toujours chez la femme un sentiment de pudeur qui proteste devant une exhibition plus ou moins publique. Je dis sans profit pour la science. En effet, si je comprends et j'approuve l'étude pratique de ces jeunes élèves dans un hôpital, je le conçois difficilement au lit d'une vieille dame que l'âge et les mécomptes de la vie ont épuisée et chez laquelle il ne faut la plupart du temps que des palliatifs anodins pour allonger de quelques mois une constitution ébranlée, et je crois même, pardonnez-moi, messieurs, ma franchise, que cette mise en scène de plusieurs hommes entrant brusquement chez une personne affaiblie ou craintive et faite plutôt pour aggraver son état en l'épuisant qu'à lui apporter le calme et l'espérance si nécessaires au vieillard. C'est une lettre de 1901, une plainte d'une pensionnaire d'un hospice à Bruxelles. Juste, il y a quelque chose de terrifiant là-dedans. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se rend compte que l'humanité est quand même présente et on sent qui pointe comme ça la pudeur de la femme. C'est quelque chose que vous avez pu percevoir, Sophie Richel, dans les sources que vous avez étudiées. Il y a quand même d'un seul coup le sentiment de dire « je suis dépossédée de moi-même en étant à l'hospice ». Ce qui est surtout frappant, je trouve, dans cet extrait, c'est... combien les pensionnaires sont inégaux en fait face à la vieillesse en général, et là en l'occurrence l'hospice parce que c'est ça que j'ai étudié, mais je pense même en dehors de l'hospice. L'auteur de cette plainte, c'est une pensionnaire de Pacheco, et comme on l'a dit, c'est des personnes issues d'un certain milieu. Donc c'est des personnes beaucoup plus outillées pour se plaindre. Elle sait écrire. Elle sait écrire déjà. Elle sait plus qu'écrire, là, parce qu'elle est même au fait de l'examen clinique et de ce que ça sert, enfin, à quoi ça sert d'avoir des étudiants avec le médecin, etc. Mais du coup, c'est pas du tout le cas, évidemment, de tous les patients, notamment ceux d'un autre hospice qui s'appelle l'hospice de l'infirmerie, qui accueille plus les indigents, où là-dedans, il y a vraiment une clinique, donc, d'enseignement pour apprendre aux étudiants en médecine à la médecine des vieillards, et eux, on leur pose certainement pas la question et ils ont certainement beaucoup moins les outils pour s'en plaindre. Du coup, dans le processus du vieillissement et dans cet âge-là, très clairement, les recherches que j'ai faites, c'était de mettre en lumière que le genre, la classe sociale et l'état de santé étaient vraiment les trois paramètres déterminants dans le vécu et l'expérience que les personnes pouvaient faire de leur vieillissement. Ce qui est toujours impressionnant quand on étudie ces périodes passées, c'était le 19e siècle, c'est de se dire que ces questionnements sont les mêmes qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on ressent en vous lisant, Dominique Dierlewanger, les couleurs de la vieillesse, les représentations de la vieillesse des années 40 à aujourd'hui. C'est vrai qu'on réfléchit à toutes ces questions qu'on voit dans l'actualité sur le coup, sur l'âge, et pourtant, vous le dites bien, c'est une rupture de génération, c'est positif. Merci beaucoup à vous. Et de même, Sophie Richel, une histoire sensible de la vieillesse. Dites donc, au 19e, il se posait les mêmes questions que nous. Merci beaucoup à vous. Mais il est l'heure de recevoir Anaïs Tien qui arrive avec sous le bras son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Tien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors Anaïs, aujourd'hui votre chronique s'intitule « Le marketing festif contre les blessures de l'histoire ou le retour de la fête de la bière aux États-Unis ». Sein eigenes Bild von der Wiesn macht sich damals der Zeichner Klammer. Hier, l'Oktoberfest a commencé à Munich, mais on compte désormais près de 4000 Oktoberfest dans le monde, célébrés sur les 5 continents. De la Chine à la Namibie, en passant par la Suisse, l'Oktoberfest, c'est tendance. Un déluge de bretzel, de culottes de peau, de saucisses bavaroises s'apprête à s'abattre sur les amateurs de bière et de sol collant pendant 2 semaines. Mais il est un pays où l'Oktoberfest a dû la jouer discrète pendant quelques temps, les États-Unis. Et oui, Anaïs, les Américains descendants d'Allemands sont très nombreux, hein, presque 14% de la population, un des plus grands groupes ethniques du pays, et pourtant, ils se sont tus pendant très longtemps. Aux alentours de 1900, le Little Germany new-yorkais concentrait tant de ressortissants allemands qu'ils étaient considérés comme la troisième ville allemande au monde après Berlin et Vienne. Mais ce n'est qu'en 2010 qu'a été inauguré à Washington le musée de l'héritage allemand aux États-Unis. Pourtant, les Allemands arrivent très tôt sur le sol américain. Ils sont parmi les premiers Européens à s'y installer au XVIIe siècle, à y brasser la bière et à la fêter. L'importance numérique de cette population crée d'ailleurs quelques tiraillements pendant la Première Guerre mondiale. Alors que les États-Unis restent encore neutres dans le conflit, la tension monte outre-Atlantique et des partisans de l'Empire allemand font exploser un dépôt de munitions destiné aux Alliés dans le New Jersey le 20 juillet 1916. L'attentat souffle les vitres à 30 km à la ronde et fait tanguer la Statue de la Liberté. Cela n'empêche pas les États-Unis d'entrer en guerre en 1917 et de vaincre leur mère patrie. Les fiertés allemandes se font donc discrètes du côté de ceux qui ont été désignés comme potentiels ennemis de la nation pendant la Grande Guerre. Et ça ne s'arrange pas vraiment par la suite, Anaïs. La prohibition, qui interdit donc toute production et vente d'alcool de 1919 à 1933, saigne sérieusement les poches des brasseurs qui finançaient les clubs allemands, et la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, n'arrangeront pas les choses. Après la libération, la dernière grande vague d'immigration allemande met ses traditions en sourdine pour se fondre dans le melting pot américain. Munich, comme chaque début d'année, fête l'apparition de cette fameuse bière de Mars qui bénéficie d'une renommée spéciale et aussi d'une très particulière alcoolisation, ce qui explique sans doute beaucoup de choses. Dans les brasseries, pas de place inoccupée. Et les serveuses regrettent sans doute de n'avoir que deux bras. Si le vin réjouit le cœur de l'homme, comme le dit la Bible, il ne semble pas être seul. Le temps a ripolliné la mémoire sombre de l'Allemagne aux États-Unis et on y célèbre la fête de la bière aussi bien à Milwaukee, à Miami, à Chicago qu'à Cincinnati, où l'on ne cache plus ses origines. Mais le phénomène dépasse largement ceux qui peuvent se réclamer d'un ancêtre germanique. L'Oktoberfest est devenue l'une des plus grandes fêtes populaires du monde. Marketée avec soin, elle génère aujourd'hui plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Ah oui, quand même. Bon alors, Anaïs, j'enfile ma culotte de peau et je vous donne rendez-vous au Biergarten, c'est bien ça? Au Biergarten, exactement. Oui. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page du Journal de l'Histoire sur franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Camille André. Merci beaucoup. Une émission que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Demain, nous allons voir les ancêtres de nos ancêtres, la vieillesse dans l'Antiquité. Et oui, vivait-on vraiment mieux avant? À quel âge était-on considéré comme une personne âgée? Et puis, quelque chose d'incroyable, comment certains Grecs ont imaginé des fins possibles en explorant le monde? Que faut-il faire de nos vieux? Pourquoi pas les manger? Pourquoi pas les tuer? Aïe aïe aïe, c'est pas piquer des hannetons, comme disait ma grand-mère.